Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Les Mozos. Pour l'émission. Un bel avis. Radio Côte du Mozo. Voilà. Donc nous voilà pour une émission un petit peu spéciale. Alors pourquoi on est présent aujourd'hui? C'est que Marc s'en va. Voilà, c'est notre dernière émission avec Marc. Après, ouais. Ouais, ouais, mais je tiens à préciser que ça continue quand même. Hein. Il y aura, bah oui. Il y aura d'autres animateurs et animatrices. Voilà. Ah oui, ok. Notre partenaire Marc s'en va, donc on continuera avec quelqu'un d'autre. Voilà. Oh, on a déjà fait un bout de chemin ensemble quand même, ça fait quelques années. Hein. Ouais. Oui. On cherchait depuis quand? Parce que tu en as connu avant la masse, les jeunes de l'IME. Bah, par exemple, Samuel, ça fait 20 ans. Quoi. Ouais. 20 ans. Ouais. Bah, ça fait une belle tranche de vie. Oui. Ah bah, j'ai connu gamin, puis voilà, et maintenant c'est un grand. Oui, oui. Ouais. Que moi. Bah oui. Puis. Alors, pour commencer l'émission, on a qui autour de la table alors? Frédéric. Oui. Alexis. Avant Alexis. Tiens, Marilyn, bonjour. Ensuite, après Alexis. Samuel, Frédéric. Monsieur Poirot. Jean. Et Samuel avec Mac. Voilà. Pour la technique. Pour la technique. Sandra aussi. Et Cassandra. Voilà. Et Cassandra. Ah bah elle doit être cachée derrière le mur, voilà. Nous on la voyait pas. Donc aujourd'hui, on a préparé une petite émission avec différents thèmes, mais bon, ça a été assez rapide, hein, puisqu'on n'a pas eu le temps de trop préparer. Non. Donc on va parler de quoi? Peut-être un petit peu ce que c'est qu'un départ aussi. De quoi d'autre? Le départ de Marc. Mmh. Il va partir. On avait préparé quoi d'autre? Il y a quelques rubriques qu'on peut évoquer. Il y aura la rubrique... Sport. Oui, Jean, il nous fera la rubrique. Ouais. Il fait quelle rubrique, Jean? Là. Là. Mi. Mi. Té. Té. Oh. Oh. Alors, en entier, ça fait météo. Météo, ouais. You know what, Jean? Attends. C'est Monsieur Météo. Voilà. Qui d'autre a une rubrique pour aujourd'hui? Moi. Alexis, vous n'avez pas encore de rubrique? Il faut qu'on réfléchisse exactement ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de rubrique. Qui d'autre a une rubrique pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a préparé hier après-midi? La recette. Ouais, une recette spéciale pour Marc. Qui s'en va. Qui s'en va. Et comment c'est le nom du gâteau? Tu te souviens? Non. C'est le gâteau de... L'amitié. Le gâteau de l'amitié. Et on peut l'appeler comment, Samuel? Herman. Le gâteau Herman, voilà. Qu'on présentera tout à l'heure. Ouais, ça y est, putain. La Saint-Valentin. Encore la Saint-Valentin. Ouais. Jean, ça y est, c'est passé. Il est bloqué sur la Saint-Valentin, Jean. Ouais, on parlera aussi après l'hiver, c'est quoi après l'hiver? Du printemps. Ce que tu avais dit hier. Printemps. Du printemps. Ouais, c'est ça. Le printemps. Et puis d'autres choses que vous pourriez dire comme ça, sans qu'on ait préparé... Non. Hein, si vous voulez dire d'autres choses, pas de soucis. Noir et quatre, c'est fou. On démarre quoi? Par une musique peut-être, le temps de se mettre dans l'ambiance? Eh bien la première musique, c'était toi, Samuel. Tu te souviens ce que tu as choisi? Femme. Femme. Que... que j'aime. Et le chanteur, il s'appelle Vraiment. Jean-Luc. Naé. Tu connais? Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Je prends racine en toi. Va, va. Je te dédie ces mots. toi. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière caméra, juste quelques plans en douceur. N'aie pas de trac, je suis près de toi. On sera si bon en couleur. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Soleil. Oui, il y a du soleil. Alors, ça annonce quoi ? Beau. Oui. C'est quoi qui va commencer ? Quelle saison ? Printemps. Alors, après l'hiver, c'est quoi ? L'automne. Ah non, c'est avant. Printemps. Oui, le printemps. Ça va arriver. Oui, le printemps va arriver. Qu'est-ce qu'il y a au printemps ? Comment on reconnaît le printemps ? De l'eau, il tombe. Oui, si tu veux, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on voit dehors ? Qu'est-ce qui se passe dehors ? Le jardin. On commence le jardin. La pelouse. Oui, par exemple, on peut commencer à planter aussi. Manger dehors. Allez, léger pour manger dehors. C'est pour l'été, ça. L'été, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment avec le printemps qui arrive, là, Gérardmer, Frédéric ? Ah. C'est quoi qu'on commence à voir dans les champs vers Gérardmer ? Les jonquilles. Les jonquilles, oui. Vous avez vu des jonquilles déjà ? Oui. Oui. Tu en as vu où ? Ah, où ça ? À Gérardmer. Et toi, non ? Oui, avec le taxi quand vous revenez le matin ? Oui. Et toi, Samuel, est-ce que tu as vu des jonquilles déjà ? Dans tes coins, là-haut, Saint-Maurice et tout ça, là. Cette année, t'as déjà vu des jonquilles ce week-end ? Non. Non, elles sont pas encore arrivées. Elles sont pas encore arrivées. Alors, le printemps, il peut être marqué par quoi aussi? Ah. C'est quoi qui arrive dans pas longtemps? Il y a une fête qui arrive dans pas longtemps. Oula. Pâques. Oui, c'est Pâques. Ça marque aussi un peu le printemps. Pâques. Pâques. C'est quand? Pâques. Bonne question. Bonne question. Pâques. C'est quand il y a le lundi de Pâques. C'est, voilà. Du chocolat. Oui, qu'est-ce qu'on mange à Pâques? Du chocolat. Du chocolat. Fondu. Pâques. Du chocolat fondu. Ah bah, ça sera fondu s'il y a beaucoup de soleil. Et les chocolats, ils ont quelle forme à Pâques? Ah. Ils ont quelle forme les chocolats à Pâques? Pour manger. C'est des Pères Noël? Ils ressemblent à quoi? Des œufs. Des œufs, oui. Pioches. Quoi d'autre encore? Des œufs lapins, des œufs poules. Moi, il y a une cloche. Une poule. Une poule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme chocolat qu'on peut trouver à Pâques? Voilà, aussi. Samuel. Des lapins. Des cloches. Des poissons. On dirait poisson d'avril. Des poules, des canards. C'est quoi des poisson d'avril, non? Encore les poissons dans le dos. Oui, on fait des blagues. On fait des farces. Hein? On pourrait faire ça à la masse d'ailleurs cette année. Non. Des blagues aux autres. Vous voulez pas faire des blagues aux autres? C'est rigolo. Dans l'établissement. Colle des poissons. On mettrait un poisson d'avril à Marie-Jeanne. Ah, je peux pas. Un poisson d'avril. Ou à Annabelle. Annabelle. Tu... ça vous dit pas? Samuel, tu veux pas? Bah aussi, il est toujours partant, Samuel. Hein? Il faut le faire discrètement. Hein? Oui. Hein? Faut que tu ailles faire un gros câlin, toi qui aimes bien faire des câlins. Tu vas faire un gros câlin à Annabelle. Moi avec le poisson dans le dos. Moi avec le poisson dans le dos. À ma belle. Bon. Vous avez d'autres choses à dire sur le printemps? Non. Non? Moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Alexis? Qu'est-ce que tu veux dire sur le printemps? L'automne. Ah oui, mais on n'y est pas encore. On vient de finir l'hiver, donc on va attendre avant de commencer l'automne. On va prendre le plaisir à avoir un peu de soleil et de beau temps et de chaleur, là. De chaleur. Que de rire. Allez, quelqu'un d'autre passe sa musique? Avant qu'on attaque les autres sujets. Ben après, dans le... C'était Katia. Et Katia, elle avait choisi. Ah. C'était la chanteuse. C'est quoi? Frédéric, il a fait plein de blagues dessus hier après-midi. La blague, je ne me souviens plus. C'est Oshi. Oshi. Son nom. C'est son prénom. Ah, Oshi! Oui, c'est comment son nom de famille? C'est plus. C'est partout, je crois, non? Je sais plus. Non, c'est pas ça? Il réfléchit à la blague d'hier. Oui, est-ce que je m'en souviens? Quoi, je m'en souviens. Bon, on en rediscutera, Samuel. Ouais, en privé. Voilà. En privé. Ouais, c'est bien. Vas-y. Boucher au lycée. Voilà. T'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur. Peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas. T'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau. Que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor. Je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. tire ta mère à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors courons sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais. Tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin. Prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin. Prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta tentée d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta tentée d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril. Nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. J'ai dit. Merci Samuel. Dorian. Merci. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Racontez quoi? Oui, tu racontais quoi? Ça me regarde pas, c'est ça? Oui, il me dit en plus. Bon, écoute. Voilà. Et une charmante jeune fille à côté de lui, voilà, Samuel. Il discute et il discute. Vous n'existez plus. Voilà. Non, non, non. Si, c'est vrai, elle existe. Oui, mais nous, on n'existe plus. Pourquoi? Bah, parce que tu discutes avec Cassandra. Cassandra. Tu veux pas nous dire ce que tu disais? Alors, on n'existe plus. Non. Alors. Alors, de quoi vous voulez discuter maintenant? Herman. Herman. Alors. C'est quoi Herman? C'est qui, oui? Le gâteau Herman. Oui, c'est le gâteau, c'est la recette de qui? De Katia. De Katia. Est-ce que ça te dit, Katia, de parler de ton gâteau, du coup? T'es partante pour donner la recette de ton gâteau à Herman? Oui, non? Non. Non? Si? Oh, je t'aide, hein, si tu veux. Vas-y. Ouais, allez, je vais t'aider. Alors, c'est un gâteau un peu spécifique. Ça s'appelle le gâteau de... On a dit... Herman. Herman, ou le gâteau de l'amitié. Du en tout. Fait, c'est un gâteau qu'on partage, qu'on peut partager avec ses amis. Partager. Voilà, on fait des petits bouts de pâte, on partage la pâte et on distribue à ses voisins, ses copains et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Des œufs. 3 œufs. 3 la farine. 600 grammes. Sucre. De la... Levure, une cuillère à café, du lait, 40 centilitres, la farine, 500 grammes de farine, ça tu sais c'est quoi? C'est de la poudre de d'amande, non, cannelle, la cannelle, c'est pour donner du goût au gâteau. Il nous faut aussi 4 pommes et 15 centilitres d'huile, de l'huile, ouais. Alors, Hermann est fabriqué à partir d'un levain naturel qui se fait en plusieurs jours. Plusieurs jours? Alors, on fait notre mélange de tout ça. Ouais. Et après, on le laisse où? Dans le frigo. Dans le frigo. Pendant combien de temps? Est-ce que tu te souviens, on avait dit? Pendant 15. Au moins 10 jours. 10 jours? Et en fait, il y a une étape à faire. Le jour 2 et le jour 3, où on mélange de temps en temps nos pâtes qu'on a mis au frigo. Et le quatrième jour, il faut rajouter du sucre, de la farine et du lait. On nourrit le gâteau, en fait. Hmm? C'est original, hein, de faire un gâteau comme ça. Oui. Ouais. Nourrissons. Et après, on divise la pâte en 4. On la coupe. On la garde. On en garde une pour nous. Et on donne les 3 autres à nos copines ou à nos copains. Un autre copain aussi. Voilà, pour qu'eux aussi refassent des gâteaux, la même étape que toi quand tu fais ta recette à la maison. C'est pour ça que ça s'appelle le gâteau de l'amitié. Donc après, une fois qu'on noue, on a notre quart de pâte, on rajoute l'huile et les œufs, les pommes coupées, si on veut mettre des pommes dedans, et on le met au four. 15 minutes. Un peu plus, une heure de temps, à 110 degrés. 110 degrés. Ouais. Et après, une fois qu'il est refroidi, on le mange. On le mange. On aura chacun une petite part. Chacun une petite part, ou une grosse part, hein. Si on n'est pas nombreux à manger dessus. Ah oui. Voilà, la recette du gâteau de l'amitié de Katia. Merci Katia. C'est sympa. Merci. Et moi, j'ai voyagé pendant une formation. Bah, on va attendre un petit peu. D'autres choses? C'est bon. On fera le gâteau là à Marc? À Marc. Peut-être qu'il aime pas les pommes, Marc. Si, si, les pommes, ça va. Les pommes. Donc on essaiera de faire un gâteau pour Marc. À l'occasion. Non? Qu'est-ce que t'en penses? On lui livrera par la poste. Marc? Ouais. Oh, livraison à domicile. Oui, ou livraison à domicile. Il nous payera un coup. En venant il à la radio. Il nous payera un coup. Ou en repartant de la radio. C'est toi, non? Il vit ton téléphone. Oui. Bon. On a enchaîné avec la prochaine musique. Oui. Oui. C'est qui avait choisi? C'était Frédéric. Moi. Non, c'était Frédéric. Frédéric, tu avais choisi quoi? C'était quel chanteur? Amir. Amir, oui. Et le titre de la chanson, c'était Long... Longtemps. Longtemps. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Thank you. tirer ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Voilà, merci Frédéric. Alors. On est tout chamboulé là, parce que Marc il nous ramène plein de trucs à grignoter. Grignoter ? Ben oui. Non, ça va. Pourquoi ça. Il nous ramène plein de trucs, Marc ? Comme on l'a dit tout à l'heure. Pour son départ. Voilà, oui, pour son ça. Départ. Alors, est-ce que vous vouliez dire quelque chose à Marc, comme on est là-dedans ? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à Marc ? Merci. Merci, oui. Pourquoi ? Coca-Coca. Le bon moment. Pour l'émission. Oui, ça me vient. Merci. De rien, ça a été un plaisir avec vous. Ça a été très sympathique de faire des émissions avec vous. Oui. Pour eux aussi. Pour eux aussi. Et pour nous également. Pour toi aussi. Samuel, tu as passé des bonnes années, puisque comme on disait tout à l'heure, tu as passé 20 ans avec Marc. C'était un compagnon de la radio. Avec Marc. Et gentil. Ouais. Super sympa. Hein, c'était un compagnon de la radio. On a pu partager. C'est sympa, Marc. Avec très peu de coupures en plus. Hein. Avec très peu de coupures. D'accord, oui. Il a quasiment fait 20 ans en continu. Oui, puis nous. En ce qui concerne l'établissement du Toli, ça fait quand même un certain nombre d'années aussi qu'on est présent. Ouais. Ça doit faire depuis l'ouverture, depuis 2011. 2011, je crois. Pas la première année, parce que le temps que ça se remette en place avec Corinne de l'IME, ça a dû, Corinne. Mais ça s'est fait dans l'année Corinne. Où on a ouvert là-haut. Oui, peut-être 2012, 2010. Quelque chose comme ça. Ouais. Quoi. Ouais. 2011-2012, ouais, on est toute petite. Non, 2010. Quoi, du coup. 2010. 2010, oui. La masse a ouvert en 2010. Avec quelques petites évolutions, avec Véronique qui était présente à ma place auparavant, Alexis n'était pas présent. Sur, on a eu Nadège. Il y a eu Nadège. Une petite Nadège. La petite. Nadège. Que ça. Nadège. La grande. Voilà. On a eu Frédéric Richard aussi à un moment donné. On a eu Fredo. Voilà, mais l'équipe-là, oui, ça fait un petit bout de temps déjà que vous... Samuel aussi, avant que... Oui, il est arrivé. La masse... Quand il arrive. Vous êtes un peu les petits nouveaux, quoi, on va dire. Samuel et Alexis. Mmh. C'est vrai que Jean, Frédéric, Katia et Samuel, vous êtes là depuis... L'ouverture. Un bout de temps, oui. Depuis l'ouverture de la masse. Un bout de temps. C'est quatre piliers de l'émission. Ah oui. Voilà. C'est ça. C'est ça. Un bout de temps. Parfait. Vous vouliez... Vas-y, Marie. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Marc aussi? Donc merci pour toutes ces années. Puis qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter maintenant? Il va manquer. On a plus de coupure ici. Qui va nous manquer? Oui. Il va nous manquer. C'est important de le dire aussi. Tu nous manques. Même si quelqu'un prendra le relais de Marc, c'est important de dire. Ah oui, oui, oui, oui, on vous laisse pas tout seul, c'est bon, il y aura quelqu'un, il y aura soit Marion, soit Lia, soit Cassandra. Alexandre. Il y aura toujours quelqu'un, voilà. La petite Alexandra. Et Marc pourra toujours continuer à vous écouter aussi quand il aura l'occasion, le mardi matin. Ah oui, oui, bah, pas de problème. Alors, il passera des messages. Voilà. Et il passerait plein de messages. Allez, on fait une petite coupure. C'était à qui? La musique de qui? Eh bien, justement, c'était Alexis depuis qui réclamait. Tout à l'heure que tu la réclames. Donc, la musique, c'est... C'est qui? Tu l'as réclamé. C'est quel chanteur? C'est comme Frédéric. Derrière le roi. Non. Amir. Amir. Et le titre de la musique, c'est... État encore ami d'amour. D'amour. Point final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme. Merci. Merci, allez, Alexis. Allez. Qu'est-ce que tu disais, Samuel? Allez, fais ta petite blague. C'est nul. Vas-y, bah, c'est journée blague aujourd'hui. On parlait de contrat et toi, tu as dit quoi? C'est pas quoi? Mais non, t'as dit quoi? Mais bon. On n'aura pas la blague de Samuel. Non, on l'aura pas. On l'aura pas. Samuel, tu voulais évoquer un peu de sport ce matin aussi. Oui. Ça te dit? Oui. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu as vu ces derniers jours. Le week-end. Oui, ce week-end, tu as vu quoi? Le rugby. Du rugby, oui. C'est qui jouait? La France. Oui, il jouait contre qui? Des Italiens. Oui, très bien, oui. En blanc. Ils étaient en blanc? Qui était en blanc? Les Italiens. Les Italiens, ils jouaient en blanc? Alors, qui c'est qui a gagné le match? La France? Oui. Oui, oui. Perdu les Italiens. Ils ont perdu les Italiens, oui. Oui, oui. Est-ce que tu connais le score? Non. Alors, il me semble que c'était 26-14 pour les Français. La France. Ouais, ça. C'est dans les coins là. Oui, il me semble. Oui, oui. La France. J'ai pas regardé. Tu as regardé, Samuel? Moi, j'ai pas regardé. C'était un beau match? Ou bof? Non, c'est beau, hein? Ah, c'était beau. Il n'a pas l'air d'accord avec toi. Il est beau. Et tu as vu d'autres choses en sport que tu veux parler? Vélo. Du vélo? C'est commencé, vélo. Il y avait des courses ce week-end, plus la semaine, oui. Est-ce que tu sais le nom de la course que tu as vue? Ou sur quelle chaîne tu as regardé? La Croix. La 3? Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, la course? Paris. Paris-Nice. Oui, c'était Paris-Nice, oui. Et est-ce que tu as vu d'autres courses de vélo aussi? C'est qui vu? Il y avait une autre course aussi de vélo, c'était sur l'équipe. Non, tu n'as pas vu? Sur la chaîne l'équipe. C'était une autre course. On sera peut-être. Il y a d'autres choses que tu as vues aussi ce week-end? Comme sport? Ski? Du ski. Bah, t'as passé ta journée devant la télé. Bah, il faut, hein? Oui, après, il faisait pas un super temps non plus. Bah, il faut, hein? On a passé le même week-end. La pluie, je crois. C'est. Attends-là, plus... Ah bah tu vois, Marc, il va plus travailler ces jours-ci, tu vas pouvoir venir regarder le sport avec lui. Voilà. Non. Avec moi. On peut regarder le sport. Et c'était quoi en ski alors? C'était quoi comme ski, Samuel? Avec la neige. Oui, c'est mieux. Même si le patin, le ski à roulettes, ça existe, mais le ski dont tu parles en hiver, oui, c'est plus avec la neige. Trilac. Alors, c'était quoi comme ski? Il faisait quoi? C'était... Il faisait pas du... Des cabines. Oui, alors comment ça s'appelle comme sport? Et biathlon. Du biathlon. Tu as regardé. C'était quoi comme course? C'était les championnats... Les championnats du monde. J'ai perdu Martin Fourcade. Oui, très bien. Oui, Martin Fourcade qui était... Qui est raté. Ouais, il s'est raté sur ce championnat c'est du monde. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a d'autres Français qui ont fait des belles performances. Tu en connais d'autres? Ce qui a gagné. Il y en a plusieurs. Antonin Guigonna. Puis qui? Justine Breza. Quentin Fillon-Maillet. C'est des noms que tu connais? Voilà, pour les Français qui ont fait des médailles. Des médailles. Voilà. Et tu as vu, pour la fin de semaine, tu as vu du sport qu'il va y avoir, que tu vas regarder ce week-end? Il y a un match vendredi, la France. Qui en quoi? Au foot. Au foot, oui. Est-ce que tu sais contre qui c'est? C'est plus... C'est la... Samuel. La Moldavie. Tu connais? C'est un petit pays. Oui, voilà. Oui. On ne sait pas comment ils sont là, mais... Regardera chez moi vendredi. Et tu vas pouvoir regarder chez toi vendredi. Oui, chez moi. D'accord. Et tu nous raconteras à la prochaine émission. Et toi, avant de regarder Je ne sais pas encore, Samuel. Probablement, si je peux. Tu peux pas. Si j'ai le droit. Non. Tu peux. Tu sais, des fois, on regarde pas forcément ce qu'on veut. Hein, parce que des fois, il y a la Star Academy. Des fois, il y a... qu'est-ce qu'il y a en... Non, mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment? The Voice. Alors, tu sais, hein, mais un peu brimé, des fois. Chacun son programme. Hein. Voilà. Des oui. fois, il faut se battre pour regarder tour. La télé. Hein. Toi, t'as moins ce problème-là à la maison. Ah bah oui, hein. Vous regardez beaucoup le sport à la maison. Papa. C'est maman qui doit râler des fois. Elle regarde le sport aussi, maman? Ta maman? Non. Qu'est-ce qu'elle fait à la place? Tu nous le dis à chaque fois. Elle fait quoi, maman, quand vous regardez le sport? Ah oui, elle fait les mots croisés, donc. Oui, elle fait les mots croisés ou qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle gueule. Elle repasse. T'es pas un bon imitateur. Non, hein. Non j'essaye, pas. Mais il n'a pas saisi ce que je disais. Le gueule. Merci, Samuel. Pour le sport. Pour le sport. On fait une petite pause musique? Oui. Donc, c'est la musique de Samuel Ferry, qui a choisi comme chanteuse... Nol. Oui. Bah, dis comme il faut dans le micro. Nolwenn. Et la chanson, c'est... Cassie. Ni entendu la porte claquer, c'est un peu facile à dire. Après quelques années, je ne t'ai pas vu partir. Ton manteau est resté dans l'entrée depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés. Et après m'avoir dit en face mes quatre ou cinq vérités. L'amour ça passe ou ça casse, comme c'est déjà cassé. Oh, cassé. Ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre. C'était à jeter après me prendre en pleine face encore une autre vérité. L'amour ça passe ou ça lasse, mais puisque c'est déjà we'll be right back. qu'on a la bouche pleine de chocolat. Mmh. On en bouffe. Pas super bon. Bien. Ça va, Samuel? On en bouffe. Bah, tu dis rien, Samuel. Mais pourquoi tu parles pas, Samuel? Pourquoi tu parles pas? Santé, hein? Santé. Rire. C'est cool hein, de faire une émission comme ça avec l'apéro, du chocolat. Sauf qu'on veut pas parler la bouche pleine. Non, non. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui. Qu'est-ce qu'on a préparé hier après-midi aussi? On a préparé l'émission, quoi, mais aussi qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez devant vous le micro, Katia. Le micro. C'est quoi? Le cadeau pour Marc. Voilà, c'est le cadeau pour Marc. Fred, est-ce que tu veux bien aller le donner à Marc? On fait ça en direct, hein, Marc. Hein. On coupera pas la musique. Ouais, vas-y. On est en live. Comme les jeunes. Alors, tout le monde a participé, Marc. Chacun y a mis son empreinte. D'accord. Voilà. On a essayé de rester un peu dans le thème. Ça se mange pas. Ça se boit pas. Voilà. Ça va pas se boire. Oh, le papier est un peu brillant quand même. Hein. On a que du papier de Noël chez nous. Petit micro. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, le temps que Marc il ouvre son cadeau, là, les jeunes, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est qu'il ouvre, Marc, là? Cadeau. Allez, c'est quoi son cadeau? Micro. Bon, alors j'explique un petit peu quand même, parce qu'en radio c'est pas terrible. Bon, vous avez entendu que c'était bien emballé. Alors c'est un joli cadre avec des photos et surtout un vinyle. Un vinyle avec merci Marc pour toutes ces années, bonne route et souvenir des résidents de la masse. Voilà. Des résidents de la masse. Avec un micro d'or. Voilà. Micro d'or. Voilà. T'as bien fait de préciser, oui, oui. Attends. Bon, bah, tiens, merci tout le monde, hein, évidemment. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Merci. Bah, on peut dire merci à Marc aussi. Hein. Hein, vous pouvez dire merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc. Pour toutes ces années. Eh bah, ben, ça va me faire un beau souvenir, tout ça. Voilà. Je suis content. On a essayé de marquer un petit peu les choses. Autour du cœur. Bon. Je sais pas si vous nous montrez. Bon, hein. On passe la... C'est joli, oui. On passe la dernière musique de Jean. Oui. Connais. Donc, Jean, tu avais choisi... Tu te souviens de ta musique? Oui. C'est comment? France. France. Quoi? Si on t'organise... Ouais, tu es bien dirigé. Ou tu t'oublieras vite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Suis ton cœur. Bon, merci. C'était qui avait passé sa chanson? C'était Jean. Jean. Merci Jean. Merci Jean. Oui, merci Jean. Bon. On... Tu voulais parler, Aline, sans te dire prendre ta respiration. Non, non. Non, non. 15 rires. Comment? 15 rires. 15 rires? Ça nous intéresse. Ça vient d'où, ça, encore? Ça nous intéresse pas, tes conneries. Ben, j'ai pas dit ça. J'ai dit que des fois, tu utilises des mots, c'est... je comprends pas ce que ça veut dire. Quoi? Parce t'as que tu viens de dire. Non. Donc, on arrive à la fin de l'émission? La fin? Est-ce que vous voulez rajouter des choses, redire encore des choses, peut-être? Non. Non? Alors, tout le monde boit un coup et tout le monde mange un truc. Bon, forcément, hein. Mange un truc après. Bon. Quelqu'un qui mange après derrière. On va se dire au revoir et puis... Au revoir. Merci. Hein ah, c'est moi qui vous remercie. C'est très bien de venir à la radio. Ça fait quand même des bonnes expériences pour tout le monde. Et puis ça vous fait plein de choses à raconter, c'est bien. Voilà, et puis on se retrouvera ici, sans Marc, donc dans 15 jours pour la prochaine émission. Vous êtes d'accord? Encore lundi prochain, nos missions à nous. Mardi dans 15 jours. Dans 15 jours? Dans 15 jours. Voilà. Comme ça, on a un peu plus de temps pour préparer l'émission. Là, on l'a fait, on a fait une émission un peu rapprochée pour être avec Marc, voilà. Allez, encore merci pour tout. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Merci. Ben, nous pareil. Et puis à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.